La paire. Ce qui compte pour être bien chez soi, ce n'est pas le temps qu'on y passe, ni les questions qu'on se pose, mais plutôt à qui on fait appel. Ce qui compte, c'est d'être bien chez soi. Et pour ça, vous pouvez compter sur nous. Conseil à domicile, conseil en magasin, atelier, livraison, pause, on vous accompagne dans tous vos projets. La paire, la qualité réservée à tous. Conditions sur lapaire.fr. Britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin. Il y a un an, mourait Jean Giraudoux. Un homme paré de toutes les qualités, dont le monde entier connaissait les romans et les pièces de théâtre, mais qui n'était pas qu'un romancier et qu'un auteur dramatique, mais un homme aux mille facettes, connaissant tout, s'intéressant à tout, avec par-dessus tout deux amours, la jeunesse et la France. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. À propos de Jean Giraudoux, Charles de Gaulle écrivit en 1961, dans une correspondance évoquant l'écrivain et la Troisième République, je le cite, « Ne nous fallait-il pas, pour ce temps-là, un magicien, un mage, un prestidigitateur ?» Il ajoutait « Pourquoi ne pas l'applaudir ? Il faisait cela tellement bien, et tant d'autres font leur tour si mal. »« Pour ce temps-là, » disait De Gaulle. Giraudoux fut-il donc tellement enraciné dans son époque, à sa manière sans pareille, qu'il faille trouver dans ce fait la cause du déclin si rapide de sa notoriété parmi les générations d'aujourd'hui. N'a-t-il donc plus rien à nous dire, par-delà le cercle rétréci de ses fidèles ? C'est notre vocation ici de nous demander ce qu'un auteur dont la gloire paraît s'effacer peut pourtant avoir encore à nous apprendre au cœur de notre présent. Afin d'aborder à ces rivages, j'ai choisi un angle spécifique, c'est à savoir celui des relations entre la France et l'Allemagne, telles que la vie et l'œuvre de Giraudoux ont pu s'en saisir et s'en imprégner. Ces relations sont vouées à continuer de peser sur notre présent et sur notre avenir, dans un paysage qui, certes, semble avoir changé de fond en comble, on dira heureusement, mais qui ne peut être exempt de permanence quant aux forces en présence, et plus encore quant aux mentalités, aux stéréotypes, aux représentations croisées. Yves Landeroin, professeur à l'université de Pau et des Pays de l'Adour, appartient à la petite pléiade des universitaires qui s'attachent à pérenniser, contre la tendance contraire, le rayonnement de l'œuvre de Giraudoux. Le voici donc, à même de contribuer à la dépoussiérer, à la débarrasser des préjugés qui obscurcissent une mémoire. Sans complaisance, mais avec l'ardeur qui anime les entreprises destinées à mettre en cause d'injustes discrédits. Le Giraudoux à Lorgnon, c'est la vie sentimentale à travers l'univers des livres, le goût de la pauvreté et le courage en face de l'existence. Un monde de pudeur, de palmarès, de distribution de prix, de concours général, de netteté, de droiture, où l'on place ni le mépris, ni la colère, ni l'inquiétude, ni l'amertume, ni la mort. Toute la vie de Giraudoux sera la quête de ce paradis perdu à travers le Lorgnon de Bellac, de Châteauroux, de la rue d'Ulm. De la rue d'Ulm à Paris, Paris, Paris, le chemin de Giraudoux, binoclard, moustache rousse, cheveux taillés en brosse, habillé un peu au hasard, vie qui passe ensuite par Berlin, Munich, l'Italie du Sud, l'Autriche. J'ai raconté il y a 2 ans dans Mon plaisir en littérature notre rencontre à Munich, nos soirées à la Spatenbrau, nos courses à pied, nos bains de soleil à Lungererbad, à Schwabing. Quelle grâce chez ce grand garçon fin, dégingandé, mal nourri, disponible, ironique, taquin, indépendant hésitant entre une carrière professorale qui lui plaît de moins en moins, les affaires, la littérature ou le vagabondage, seul métier qui correspondait vraiment à sa nature, l'éternel adolescent. Yves Landeroin, bonjour. Bonjour. J'ai choisi d'ouvrir notre conversation en citant Paul Morand, à cause de l'aigu de son regard, que nous pourrons d'ailleurs mettre en discussion, mais aussi parce qu'il a connu, très jeune, Jean Giraudoux, qui sortant de l'école normale de la rue d'Ulm, est devenu à Munich, en 1905 et 1906, le répétiteur du jeune Paul Morand, qui accompagnait son père, Eugène Morand, le directeur de l'école des Beaux-Arts, qui était le commissaire d'une exposition de peinture en Bavière. Vous le reconnaissez là, votre en tout cas, Giraudoux. Alors oui, je reconnais Giraudoux tel qu'il a pu être évoqué très souvent, comme un homme élégant, un homme qui a charmé toute une génération. Je reconnais aussi celui qui a découvert l'Allemagne, qui est allé donc en effet à Munich en 1905 en Allemagne, et qui a découvert un pays, la Bavière, riche, qui a découvert aussi donc cette amitié avec Paul Morand, hein, qui s'est poursuivi par la suite, puisqu'ils ont embrassé la même carrière d'une certaine manière. La même génération pratiquement. Oui, pratiquement, la carrière diplomatique. Le portrait me paraît très très incomplet malgré tout. Alors complétez, je vous y engage. Ce qui n'apparaît pas dans le discours de Morand ici, c'est la grande complexité de Giraudoux. Giraudoux est un poète de la fantaisie, mais aussi un homme qui, sous couvert de prononcer des traits d'esprit, sous couvert d'un style brillant, est capable finalement de toucher à des points fondamentaux sur le plan politique ou philosophique. Hein, c'est-à-dire que Giraudoux produit des vérités poétiques et donc la poésie de son œuvre ne doit pas faire oublier ce fond philosophique et politique qui me paraît aussi très important. Et c'est naturellement sur ce fond politique que nous allons braquer notre attention. Peut-être faut-il revenir un peu en arrière pour expliquer pourquoi, très jeune, il s'est tourné vers l'Allemagne. Il a préparé l'agrégation d'allemand. Il était à l'école normale supérieure, rue d'Ulm, comme dit curieusement Paul Morand. Oui. Comment est-il arrivé là ? Eh bien, il faut dire que Giraudoux est le produit de la méritocratie républicaine. Il est fils d'un modeste fonctionnaire, donc il naît à Vélac, dans le Limousin, et il se montre très vite très bon élève, brillant helléniste notamment, et donc il intègre l'école normale supérieure. Il est passé par la Canale, le lycée La Canale à Paris, avec une bourse. Exactement, il est passé par la Canale grâce à une bourse. Et là, à l'école normale supérieure, il découvre les premiers romantiques allemands grâce à Handler. Enfin, Handler a un rôle déterminant dans la formation de sa sensibilité. Charles Handler est un de ces grands germanistes qui, dans cette période qui a suivi la défaite de 71, a tellement contribué à mieux faire connaître l'Allemagne. Exactement. C'est comme ça que Giraudoux, finalement, aborde l'Allemagne. Handler, spécialiste de Nietzsche, mais aussi grand connaisseur des romantiques, des premiers romantiques allemands. Handler a une formation philosophique très solide. Et donc, Giraudoux aborde l'Allemagne par le côté le plus prestigieux, le côté peut-être aussi le plus fascinant, sa poésie, sa philosophie. Et c'est une façon de dépasser l'image que l'école de la République, dans un esprit de revanche après 1870, avait réussi d'ailleurs à lui inculquer l'image de l'Allemand ennemi, l'image de l'Allemand monstre, barbare. Hein. Donc c'est une rencontre déterminante dans son histoire personnelle et intellectuelle. Il découvre déjà ce qui peut être à ses yeux une Allemagne double en somme. Oui. Parce que c'est l'Allemagne de la poésie, c'est l'Allemagne c'est le pays de l'imagination. Du romantisme allemand. Donc du romantisme allemand. Et puis déjà, Giraudoux perçoit derrière peut-être ces prestiges du romantisme allemand, les démons de l'Allemagne. Hein, démons qu'il va mettre en évidence, notamment dans Siegfried et le Limousin en 1922, hein, puisque Siegfried et le Limousin dénoncent le nationalisme allemand, la propagande. Voilà la complexité. tout en nourrissant une grande admiration et des affinités profondes vis-à-vis de l'Allemagne. Vous allez vite en parlant de Siegfried, qui est au début des années 20. Oui. On ne peut pas comprendre cet itinéraire sans évoquer sa guerre, ce qu'on disait par cette curieuse formule, être une belle guerre à l'époque. Il a été blessé deux fois. Il faut évoquer cela parce que ce sont des blessures en face de l'Allemagne. Bien sûr, c'est une expérience déterminante parce que Giraudoux a connu, comme vous le dites, le combat. Hein. Il a connu notamment le front de l'Aisne. Il a dit qu'il avait été blessé à l'Aisne et dans l'Aisne. Exactement, il se plaisait à le dire. Et surtout, il a connu l'enfer des combats des Dardanelles. Là, il a été blessé deux fois. Du côté de Gallipoli. Exactement. Il s'est comporté de façon très, très valeureuse. Il a été blessé et ensuite rapatrié dans des conditions difficiles. Il a souffert énormément sur le bateau hôpital qui l'a ramené en France. Donc, les horreurs de la guerre, le cul de guenon de la guerre dont il est question dans la guerre de Troie n'aura pas lieu, il l'a vu. Il l'a vu de près. En même temps, il n'a pas la figure d'un écrivain, ni d'un écrivain de la protestation du type Barbus, ni d'un écrivain ancien combattant, d'Orgelès, Genevois ou autre. Non, pas du tout. Il s'est même moqué très souvent des anciens combattants. Dans la guerre de Troie, particulièrement. Dans la guerre de Troie n'aura pas lieu. Le personnage de Démocos, si je me rappelle bien. Exactement. Le poète ridicule de la guerre de Troie n'aura pas lieu s'appelle Démocos. Et alors lui, enfin, le discours de Démocos combine à peu près tous les clichés, tous les lieux communs du discours de l'ancien combattant dans Béla également. En même temps, je ne sais pas si on peut en discuter maintenant, mais Giraudoux donne de cette expérience de la guerre, donc expérience douloureuse, expérience qui se solde par une victoire, donc ça c'est évidemment capital, il en donne une image assez étonnante parce que finalement, ce cul de guenon dont je parlais tout à l'heure, il apparaît peu dans ses écrits, ses témoignages de guerre. Giraudoux évoque très peu les horreurs de la guerre, il fuit le pathétique. Bien qu'un de ses livres s'appelle « Simon le pathétique », mais justement par antiphrase. Voilà, exactement. Il fuit le pathétique au profit d'un style qui est fait d'antithèses, d'hyperboles, de métaphores, de la fantaisie dont je parlais tout à l'heure, de l'ironie, parfois. On peut penser à l'ironie macabre. Alors, le côté macabre, on n'est pas très typique chez Giraudoux, mais l'ironie, oui, de cette phrase, je crois que c'est dans les cinq soir et réveil de la Marne, où il parle d'un lieutenant qui cherche son lorgnon vers son cerveau ouvert et qui se plaint de sa myopie. Bien dans l'esprit de Giraudoux et avec cette impression d'irréalité aussi que l'on peut avoir en lisant les témoignages qu'il donne de la guerre. On l'a parfois taxé de préciosité, ce qui dans le cas de l'évocation des combats peut apparaître assez malvenu. Est-ce que c'est juste ? On a pu être agacé par ce style, par cette manière. On a pu être agacé par ce goût pour l'hyperbole, pour la métaphore, cette fantaisie, sans voir qu'à chaque fois, Giraudoux dit quelque chose d'important. C'est-à-dire que le trait d'esprit, la figure, ne sont jamais gratuits chez Giraudoux. Alors, au point où nous en sommes, je voudrais vous faire entendre le point de vue sur Giraudoux de Paul Claudel. Tous deux grands dramaturges de l'entre-deux-guerres. Paul Claudel est, comme Giraudoux, un diplomate qui a été également sous l'aile du fameux secrétaire général du Quai d'Orsay, Philippe Berthelot, pendant la guerre et après. Paul Claudel, dans l'émotion de la mort de Giraudoux, le 31 janvier 1944, s'exprime de la sorte. C'est l'homme, hélas, depuis de longues années, familier de mon seul souvenir, que je voudrais évoquer. C'est le soldat bleu qui déjeunait avec nous à la jeune lumière d'un jardin ensoleillé un certain jour d'avril 1915. Giraudoux allait partir pour les Dardanelles et il nous racontait la Marne où l'on sait qu'il fit bravement son devoir, qu'il était gracieux. La grâce, c'est le mot que je cherchais. L'élégance dans, certainement oui, quoi qu'on pense, le naturel. Dans la simplicité, dans une aimable spontanéité, quelqu'un pleinement à l'aise dans ce qu'il possède à la fois de natif et d'acquis, continuellement en état d'alerte et de trouvaille, c'était l'allure de Giraudoux, l'auteur et l'homme, ses gestes, le timbre de sa voix. C'était guère que dans mon consulat de Bohême, ouvrant avec mon doigt les feuilles du Mercure, j'y découvrais les premières pages signées de ce nom maintenant célèbre. Aussitôt et avec quelle joie, je les signalais au grand ami qui à ce moment jouait un rôle important dans la conduite de nos affaires extérieures. Philippe Berthelot partagea mon appréciation et il voulut connaître le jeune écrivain qui nous consolait de la disparition de Jules Renard. Il vit Giraudoux, qui lui plut aussitôt. De l'école normale supérieure, notre ami s'était bizarrement faufilé par la porte de ce qu'on appelle le petit concours aux affaires étrangères. Philippe, avec sa tranquille autorité, vint l'y chercher et lui ouvrit la carrière, sa carrière d'écrivain peut-on dire, en même temps que sa carrière de diplomate, toutes deux moins parallèles que confondues. Ce serait d'ailleurs une erreur complète que de ne voir dans Giraudoux qu'un amateur et un amuseur, un promeneur superficiel, un butineur d'images, d'anecdotes et de bons mots, un constructeur d'attrapes psychologiques et de surprises verbales. Ce regard juste n'était pas étroit, et il était capable de larges aperçus. Cette vive intelligence qui s'amusait aux détails savait remonter aux causes. Le livre « Plein pouvoir » qu'il publia quelques mois avant la guerre actuelle est l'un des jugements les plus raisonnables et les mieux justifiés qui ait été porté par un expert sur l'état d'un régime qui s'abandonne. Il serait plus exact de dire qu'il s'avachit. C'est un document d'un intérêt capital et durable. Mais les livres de Giraudoux sont là. Les lecteurs ne sont pas prêts de leur manquer, pas plus que les spectateurs à ce théâtre qui illumina de ses feux la sombre cavité de l'entre-deux-guerres. Nous reparlerons de Plein pouvoir, Yves Landeroin, tout à l'heure, mais dès à présent, que pensez-vous du regard de Claudel, si différent, sur Giraudoux ? La sombre cavité de l'entre-deux-guerres, a-t-il dit, illuminée ailleurs par les feux du théâtre de Giraudoux. Il n'était pas forcément prévisible que Claudel soit si positif sur un théâtre si différent du sien. Oui, c'est vrai que cette admiration réciproque entre Claudel et Giraudoux peut avoir quelque chose de surprenant. Giraudoux s'est indigné quand Claudel n'a pas été élu à l'Académie française. Donc Giraudoux a beaucoup soutenu Claudel. Je pense qu'il y a quand même une conception commune, large, du théâtre, qui est l'idée de mettre en avant un théâtre de texte, un théâtre poétique et un théâtre de texte. Et ça peut expliquer aussi ces affinités, qui sont des affinités esthétiques, ça peut expliquer en partie cette admiration réciproque. Cette archive évoque aussi un aspect essentiel de la biographie de Giraudoux, quand on le considère notamment en face de l'Allemagne. C'est notre thème de ce matin. Yves Landeroin, c'est la personnalité de Berthelot, Philippe Berthelot, secrétaire général, nous l'évoquions tout à l'heure, du Quai d'Orsay, un homme d'Aristide Briand, qui a eu l'idée, notamment en 1916, en créant une maison de la presse, destiné à faire de la propagande à l'étranger, de mettre sous son aile, en fait, pour les protéger contre la mort dans les tranchées, un certain nombre d'écrivains, Cocteau, il a protégé Claudel, il a protégé Paul Morand, il a protégé Jean Giraudoux. Giraudoux appartient à cette pléiade de... Mais lui, il s'était battu, bien sûr, à grands frais pour sa santé. Il appartient à cette petite pléiade protégée par Berthelot. Et après la guerre, cette politique de rapprochement avec l'Allemagne, qui a été celle de Philippe Berthelot, est essentielle dans la biographie de Giraudoux telle que nous la considérons. Berthelot a eu un rôle important pour la carrière diplomatique de Giraudoux d'abord. C'est lui qui a lancé sa carrière. Berthelot avait du goût pour les lettres et il a su reconnaître très vite les dispositions de Giraudoux, la qualité de son œuvre. Il a en effet permis à Giraudoux de participer à certaines conférences ensuite. Et donc Giraudoux a été aux premières loges pour voir comment on essayait de rapprocher, en effet, la France de l'Allemagne, et comment on essayait de conjurer les démons de la guerre, puisque malheureusement, la perspective d'une nouvelle guerre va se rapprocher assez vite. Et Giraudoux a eu cette chance d'être un acteur. Alors, au second plan tout de même, mais d'être un acteur de ce processus. Mais avant que... la guerre se rapproche, il y a ces années 20 où on parle beaucoup des États-Unis d'Europe. Mais Giraudoux n'est pas un partisan des États-Unis d'Europe. Giraudoux, en effet, partisan de l'Europe, une Europe dans laquelle chaque pays aurait son identité, et une Europe en paix, et il comprend très très bien que les problèmes de la France ne peuvent pas être des problèmes franco-français, qu'on ne peut pas penser la situation de la France sans intégrer cette réflexion dans une réflexion sur l'Europe, sur la paix en Europe. La première phrase, l'Incipit de Bella, qui est un de ses romans les plus fameux, qui, de façon à peine déguisée, montre l'opposition entre Berthelot et Briand d'un côté et Poincaré de l'autre, oui, favorable lui à une politique très dure en face de l'Allemagne. La première phrase est la suivante. René Dubardeau, mon père, avait un autre enfant que moi, c'était l'Europe. Oui, mais il y a quand même cette affection de Giraudoux pour ce personnage, pour Berthelot et pour ce personnage de Dubardeau, et en même temps une distance parfois ironique, c'est la distance qu'il aura aussi vis-à-vis de Brossard, un autre personnage de ses romans, dont le modèle est Aristide Briand. Alors que Poincaré, c'est Rebandard. Rebandard et Poincaré est totalement caricaturé. Poincaré, c'est l'homme, le chef de gouvernement, qui décide, pour faire payer l'Allemagne, d'occuper la Ruhr au début 1923. Tout à fait. Et c'est là qu'il faut rappeler qu'un des premiers grands livres qui a eu beaucoup d'écho de Giraudoux, c'est Siegfried et le Limousin en 1922. Il avait déjà publié un recueil de textes sur la guerre de 14, qu'il appelait, je le signale en passant, Adorable Clio. Adorable Clio, je me dis que ça pourrait être presque un sous-titre pour notre émission. Oui, on peut penser cela, mais ce sont des textes qui ne donnent pas une idée très juste de ce que va être quand même, sinon sur le plan stylistique, de ce que va être Siegfried et le Limousin. Alors Siegfried et le Limousin, rappelez-nous quelle est l'intrigue, quelle est l'histoire, elle est topique. Eh bien, l'intrigue, bon, c'est l'idée qui sera reprise ensuite par Giraudoux sur scène, de ce soldat qu'on retrouve sur un champ de bataille et qu'on prend pour un soldat allemand et qui s'avère être français par la suite. Parce qu'il en a tiré une pièce de théâtre après en 1928, après avoir rencontré Jouvet, et c'est vraiment le grand début de sa carrière théâtrale. Alors ce personnage de Siegfried, français... Mais ça permet allemand à Giraudoux de justement confronter ces deux versants de sa sensibilité, de son imaginaire. D'un côté, le versant allemand, l'imagination, l'intuition, la poésie allemande et sa philosophie. Et puis, de l'autre, la France, la civilisation française, hein, qui est une entente, comme il le dit, entre un climat, un peuple et ses richesses morales et matérielles. C'est la fameuse opposition entre culture et civilisation. Exactement. Sur laquelle on peut s'arrêter un instant. Oui, c'est la réponse de Giraudoux à Thomas Mann, puisque Thomas Mann avait mis en avant la culture allemande, le goût des, avec un grand K, le goût des mythes, une sorte de naïveté, le refus finalement de l'histoire et du politique. Et Giraudoux, lui, répond d'une certaine manière à Thomas Mann dans Siegfried et le Limousin, en expliquant que la France, elle, représente, oui, une civilisation, mais pas la civilisation décadente telle que Thomas Mann cherche à la présenter dans ses écrits pendant la Première Guerre mondiale. Il y a toute une littérature allemande, d'ailleurs, de cet entre-deux-guerres, montrant la France avachie, comme disait Claudel tout à l'heure. Je pense par exemple au livre de Cibourg, « Dieu est-il français ?», qui fait de la France un agréable lieu charmant et bucolique, oui, où les guerriers allemands pourront un jour venir prendre leur repos. Oui, Giraudoux remet complètement en question cette idée. Il va d'ailleurs ensuite s'attacher à présenter la France comme ce pays de troubles, de frondes, ce pays d'agitation intellectuelle, et considérer que c'est un grand atout de la France d'être toujours animé par des tensions, hein, même s'il y a cette idée donc alimentée, ça c'est un point fondamental, par un imaginaire de la province française, alimenté par cette idée donc de poésie du quotidien, de l'ici-bas, d'entente, je le disais, entre un peuple, un climat et ses richesses matérielles, morales. Ça, c'est Bellac, et c'est le Limousin de C'est le Limousin, et c'est la province en général, puisque Giraudoux connaissait bien la province française. Mais la description qu'il donne de l'Allemagne, entre l'acuité de son regard et peut-être un rendez-vous pris avec un certain nombre de mythes, il a été beaucoup lu à l'époque. Je cite De Gaulle pour la dernière fois, oui, qui dans « Vers l'armée de métier » écrit ceci, qui montre qu'il a lu Siegfried et le Limousin. « Inversement, nous inquiète l'Allemagne, force de la nature, faisceau d'instincts puissants, mais trouble, artiste né, qui n'ont point de goût. Route que Siegfried, voit épique le matin, romantique vers midi, guerrière le soir, océan sublime et glauque, d'où le filet retire pêle-mêle des monstres et des trésors. Voilà un lecteur. Oui, mais c'est cette culture dont on parlait, ce goût pour les mythes. L'Allemagne et la culture germanique est une partie de sa sensibilité, mais finalement, Siegfried et le Limousin donnent la préférence quand même à la civilisation française. Alors, la grande question du pacifisme de Giraudoux qui va nous conduire jusque dans les années 30. Et à cet égard, on doit évoquer cette pièce qui est peut-être la plus célèbre de toutes. La guerre de Troie n'aura pas lieu. Je vais vous en faire entendre un extrait. C'est la mise en scène de Louis Jouvet, le grand ami de Giraudoux, qui a beaucoup contribué à l'éclat de son théâtre. C'est une mise en scène ultérieure de 1951. Louis Jouvet joue Hector. Et Pierre Renoir joue Ulysse. Je rappelle que Pierre Renoir, c'est le frère de Jean Renoir, le fils d'Auguste Renoir, un grand comédien de son temps. Écoutons-les. Le premier qui parle, c'est Hector. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeanneney. La guerre de Troie n'aura pas lieu. Pièce créée au Théâtre de l'Athénée le 22 novembre 1935. Scène entre Hector et Ulysse. Et vous voulez la guerre ? Je ne la veux pas, mais je suis moins sûr de ses intentions, elle. Nos peuples nous ont délégués tous deux ici pour la conjurer. Notre seule réunion signifie que rien n'est perdu. Vous êtes jeune, Hector. À la veille de toute guerre, il est courant que deux chefs des peuples en conflit se rencontre seul dans quelque innocent village, sur la terrasse, au bord d'un lac, dans l'angle d'un jardin. Et ils conviennent que la guerre est le pire fléau du monde, et tous deux à suivre du regard ses reflets, ses rides sur les eaux, à recevoir sur l'épaule ses pétales de magnolia. Ils sont pacifiques, modestes, loyaux. Et ils s'étudient, ils se regardent, et tiédis par le soleil, attendris par un vin éclairé, ils ne trouvent dans le visage d'en face aucun trait qui justifie la haine, aucun trait qui n'appelle l'amour humain, et rien d'incompatible non plus dans leur langage, dans leur façon de se gratter le nez ou de boire. Et ils se quittent en se serrant les mains, en se sentant des frères. Et ils se retournent de leur calèche pour se sourire, et le lendemain pourtant éclate la guerre. Ainsi nous sommes tous deux maintenant. Nos peuples autour de l'entretien se taisent et s'écartent, mais ce n'est pas qu'ils attendent de nous une victoire sur l'inéluctable. C'est seulement qu'ils nous ont donné plein pouvoir, qu'ils nous ont isolés, pour que nous goûtions mieux au-dessus de la catastrophe notre fraternité d'ennemis. Goûtons-la. Mais c'est tout. Le privilège des grands, c'est de voir les catastrophes d'une terrasse. C'est une conversation d'ennemis que nous avons là. C'est un duo avant l'orchestre. C'est le duo des récitants avant la guerre. Parce que nous avons été créés sensés, justes et courtois, nous nous parlons une heure avant la guerre, comme nous parlerons longtemps après, en anciens combattants. Nous nous réconcilions avant la lutte même. C'est toujours cela. Peut-être d'ailleurs avons-nous tort. Si l'un de nous doit un jour tuer l'autre et arracher pour reconnaître sa victime la visière de son casque, il vaudrait peut-être mieux qu'il ne lui donnât pas un visage de frère. Mais l'univers le sait. Nous allons nous battre. L'univers peut se tromper. C'est à cela que l'on reconnaît l'erreur. Elle est universelle. Espérons-le. La guerre de Troie n'aura pas lieu. Yves Landeroin est de 1935. Et on jette déjà un regard forcément critique sur les années 20. Ici, c'est visiblement la conférence de Locarno et quelques autres qui sont évoqués par la description de cette rencontre avant la guerre. Avant la mort, avant la destruction mutuelle. Oui, je pense que Giraudoux, en effet, ici, convoque ses souvenirs des conférences au bord des lacs pour faire parler le personnage d'Ulysse. À un moment où, vous le suggérez, bien sûr, les nuages s'amoncellent à l'horizon et la guerre est une menace de plus en plus pressante. Locarno, c'était 1925, on en est loin. Oui, on en est loin, mais en 1935, la situation a changé. Ce qui est important, c'est de comprendre que si Giraudoux convoque ses souvenirs pour faire parler Ulysse, Ulysse est un personnage suspect. parce que, on le voit, il invoque le destin. Et il l'invoque un peu trop souvent pour favoriser ses intérêts. Or, pour Giraudoux, le destin, l'idée selon laquelle la France et l'Allemagne se feront la guerre, c'est inéluctable, c'est une fiction. Giraudoux montre bien, dans La guerre de Troie n'aura pas lieu, que derrière le prétendu destin, la prétendue destinée des peuples, se cachent en vérité les mécanismes des passions, comme la colère, peut-être aussi la passion esthétique, parce qu'il y a l'esthétique de la guerre, se cachent surtout des représentations fausses de l'autre. Les Grecs ont des représentations fausses des Troyens. Et évidemment, il suffit de transposer les Allemands, les représentations fausses des Français, et réciproquement. Le stéréotype, le mythe comme ressort négatif de la guerre, alors que parfois on attaque ces Giraudoux de la responsabilité de les porter ou de les incarner magnifiquement, ces mythes eux-mêmes. Ici, très clairement, le mythe, à mon avis, sert à montrer justement que l'idée qu'une guerre est inéluctable est une fiction. La guerre de Troie aura lieu, c'est la dernière phrase de la pièce. Elle aura lieu d'une certaine manière parce que Homère l'a écrite, cette histoire de la guerre de Troie. Mais Giraudoux invite à lutter contre des représentations qui amènent à penser que la guerre est inéluctable. Alors comment réagit-il dans ces années-là? Il continue une carrière diplomatique, parfois un peu molle, on le nomme inspecteur général des postes à l'étranger, il est très central au Quai d'Orsay tout en étant un peu distant. Comment réagit-il aux événements des années 30? Ça n'est pas toujours facile à savoir. Par exemple, en ce qui concerne Munich, si on peut parler de cet exemple. Septembre 1938. Exactement. Nous avons d'un côté des déclarations de ses proches, de son beau-fils Christian Pinault, par exemple, qui dit que Giraudoux était un anti-munichois convaincu et déclaré. Et de l'autre côté, une formule que l'on trouve dans pour un 11 novembre 1938, une formule assez obscure qui fait sans doute allusion à Munich, je le cite: « Nous avons détourné la tête devant un ami, c'est l'eau lustrale de la fidélité. » Ah, ça c'est du Giraudoux. Expliquez-nous ça. Eh bien, le « nous avons détourné la tête devant un ami » indique clairement que la France s'est trompée à Munich. C'est la Tchécoslovaquie, l'ami, non? Exactement. C'est pas l'Allemagne. Non, c'est pas l'Allemagne. C'est la Tchécoslovaquie, soyons bien clairs. Mais en disant ensuite « c'est l'eau lustrale de la fidélité », Giraudoux invite à considérer Munich non pas comme une fin, mais comme le commencement de quelque chose, comme à partir de cette erreur, la nécessité pour la France d'être à la hauteur de ses engagements et de ce qu'elle représente. Mais c'est dit de façon assez obscure, il faut l'avouer, et donc il n'est pas toujours facile de savoir quelles sont les positions de Giraudoux. Une chose est sûre, c'est qu'il voit, bien sûr, arriver la menace de la guerre. Ce n'est pas un pacifiste bêlant, loin de là. Et il se fait de moins en moins d'illusions sur l'issue de ces événements. Vous évoquez Christian Pinault, parenthèse, c'est son beau-fils, le fils de sa femme. Oui. Lui sera un brillant syndicaliste, résistant, déporté. Il sera aussi beaucoup plus tard ministre des Affaires étrangères dans un gouvernement Guimolet. Un homme très, très, très honorable qui, évidemment, a tendance à tirer son beau-père du côté de la protestation contre tout accommodement avec l'Allemagne. Alors, Giraudoux est un homme qui ne hausse jamais la voix, et donc ses déclarations n'ont pas fait beaucoup de bruit. Mais il y a d'autres témoignages qui prouvent que Giraudoux était sans complaisance vis-à-vis de l'Allemagne d'Hitler. Il aurait dit en 1938 « il faudrait pouvoir assassiner Hitler », par exemple. C'est un monstre, dit-il. Alors après, quand il est... Attila. C'est Attila, c'est un monstre. Démoniaque. Tout à fait. Donc, quand, par la suite, Giraudoux est responsable du commissariat général à l'information, il prend soin de dissocier très clairement les nazis, Hitler, qui est en effet, qui apparaît dans son discours comme un monstre démoniaque, et puis les Allemands. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, il y a cette phrase extraordinaire de Giraudoux qui dit « Nous qui aimons Goethe ou Dürer, nous sommes tous des exilés d'Allemagne ». Alors, puisque nous évoquons Giraudoux en face de l'Allemagne, il faut en effet en arriver à ce moment important de sa carrière administrative, mais aussi carrière intellectuelle. C'est le moment où le gouvernement Daladier, en 1938, le nomme commissaire général à l'information. C'est une sorte de sous-ministre chargé de, mais sans accès au Conseil des ministres. Non. C'est une responsabilité politique, qui n'est pas ministérielle, mais qui est politique. Il s'agit de coordonner la propagande en face de l'Allemagne. Il est nommé peu de temps avant la guerre, mais au moment où la guerre approche. Écoutez ce qu'en dit un de ses collaborateurs de l'époque, Robert Minder, grand germaniste qui a été professeur au Collège de France. Il est interrogé ici par Lionel Richard, qui sollicite ses souvenirs. Lionel Richard, dans Les chemins de la connaissance sur France Culture, le 25 janvier 1980. Giraudoux était un humaniste, c'était un pacifiste par tempérament, et on ne peut pas imaginer un contraste plus flagrant que celui qui existait entre cet homme si fin, si cultivé, si raffiné, si esthète en quelque sorte, dans le bon sens du terme, et un personnage satanique tel que Goebbels. Goebbels avait formé une centaine d'agents spécialisés, n'est-ce pas, dans le travail de sape et d'intrigue qui formaient le bureau français de son ministère. Et Giraudoux avait rassemblé autour de lui des professeurs, d'anciens élèves de l'école normale supérieure. Alors, que voulez-vous que fassent des professeurs? Giraudoux nous dit, faites-moi des tracts, parce que Ernest Tonla, un de mes prédécesseurs au Collège de France, un des élèves d'Andler, avait eu l'idée, en 18, avec le dessinateur alsacien, le caricaturiste Hansi, d'envoyer dans des boîtes à sardines ou d'autres, par d'autres moyens, des tracts adressés à un peuple en pleine détresse et très inquiet de la fin de la guerre, tandis que nous nous adressions à un peuple victorieux qui venait de l'emporter sur la Pologne en l'espace de quelques jours, c'est pas exactement une dizaine de jours, une quinzaine de jours, qui venait également d'entrer dans le Danemark, qui venait de remporter une victoire sur la Norvège. Eh bien, comment voulez-vous que nous démoralisions par notre acte des populations dans un tel état d'esprit? C'était impossible. Et au bout de 15 jours, tous nous étions neurasthéniques. On se disait, si tous les ministères travaillent de cette manière-là, la guerre est perdue. Il y a naturellement, Yves Landeroin, la question de la bureaucratie, mais il y a aussi une interrogation sur l'aptitude du tempérament de Giraudoux à jouer ce rôle. C'est Fabrelus, je crois, qui dit à un moment donné, au fond, c'était une flûte face à un trombone, à propos de Goebbels, qui était son homologue du côté allemand. Et ça renvoie aussi à un autre propos auquel je songe, celui d'André Gide, qui disait « Nul ne peut, sinon par barbarie, résister au sourire de Giraudoux ». Il n'était plus tellement question de sourire, en l'occurrence. Alors, en effet, on peut distinguer deux causes. On peut dire que Giraudoux était employé à contre-emploi. On peut considérer que quelqu'un qui, comme lui, qui détestait la propagande, était assez mal placé pour s'opposer à celle de Goebbels. Il a essayé de faire de la contre-propagande, notamment. Il est difficile, quand on formule une pensée déliée, une pensée qui n'est pas schématique, de lutter contre une pensée qui est grossière, une pensée qui fait violence à l'esprit. Et donc, la tâche était, de ce point de vue, très difficile pour Giraudoux. Mais il faut ajouter le fait que Giraudoux manquait de moyens et aussi que les militaires lui ont mis rapidement des bâtons dans les roues. Il a rapidement, finalement, perdu le contrôle de cette organisation et il lui a été de plus en plus difficile de pouvoir mener à bien sa tâche. D'ailleurs, le gouvernement de Paul Reynaud a mis fin à cette responsabilité dès le mois de mars 1940, juste avant la la débâcle. Mais il est important de dire que Giraudoux n'a pas assumé de responsabilité après. Contrairement à ce qu'on dit certains, nous y reviendrons. En attendant, pour avoir dans l'oreille une idée de la manière dont il s'exprimait en face de Goebbels, écoutons cet extrait d'une de ses allocutions, il y en a eu 24, une de ses allocutions les plus célèbres, elle est diffusée le 8 octobre 1939, donc peu de temps avant le début de la drôle de guerre. C'est une allocution qui évoque la rentrée des classes. Vous allez voir, opposition entre les écoliers français et les écoliers allemands. Vers quelles classes vont être poussés de l'autre côté des frontières ceux qui devraient être vos égaux et vos camarades, ceux dont vous voudrez espérer qu'ils le seront un jour, les élèves des écoles allemandes? Il faut le dire, l'éducation qui leur est donnée peut prolonger indéfiniment pour le monde la menace de Hitler. Ils vont être près de 15 millions à entrer dans des salles tapissées de cartes qui parlent faux, de tableaux maquillés, et où ils ne trouveront aucun des grands Allemands qui ont pensé que les nations et les races étaient sœurs. La plupart de leur géographie leur indiqueront pour l'Allemagne des frontières qui mordent profondément sur toutes les nations voisines. Le professeur de mathématiques a rien, dédaignant l'arithmétique et l'algèbre, qui sont, paraît-il, des produits juifs, réserve sa sympathie à la géométrie, science nordique, et tout cet enseignement doit être dur. La punition physique, dit Hitler lui-même dans Mein Kampf, doit faire perdre aux tout-petits l'habitude des plaintes. Quelle enfance fut-elle plus studieuse encore, plus respectueuse, plus attirée naturellement par le beau que ne l'était jadis la jeunesse allemande, pourra résister longtemps à pareille contrainte et écouter sans dommage irrémédiable pour l'humanité ces discours de prix quotidiens aux mensonges, à la violence, à l'orgueil que sont les discours de Hitler et de ses lieutenants. Pour vous, vous trouverez peut-être quelques changements dans vos salles de classe. Peut-être seront-elles plus combles, car vous aurez pour compagnons les enfants des régions évacuées. Toute l'enfance du pays aura été mêlée et brassée, comme l'a été la foule des soldats. Comme les soldats, vous profiterez de ce brassage. Mais vous ne trouverez aucun de vos enseignements touché par la guerre. Vous apprendrez les textes que vos pères ont appris. Vous pourrez vous donner à une arithmétique innocente qui vous offrira, comme en pleine paix, ces problèmes des deux robinets ouverts à la fois et des trains portés l'un vers l'autre à des vitesses différentes dont Colbert et Pasteur cherchaient déjà la solution. Jeune sentinelle auprès de l'histoire vraie, de la géographie vraie, de la morale sans haine, des leçons de choses sans poignard et sans poudre, c'est à vous que la France, acharnée tout entière aux travaux de la guerre, délègue cet automne la mission de conserver ses deux biens, d'où son âme est issue, la gaieté et l'étude. C'est vous, Yves Landeroy, qui m'avez demandé de donner à entendre cette allocution qui vous paraît une des plus éclairantes de cette période, dans la bouche de Jean Giraudoux au micro. Oui, elle est éclairante parce que elle montre justement que Giraudoux est évidemment sans complaisance vis-à-vis des nazis, qu'il montre bien le mécanisme qui s'opère. On parlait de représentation tout à l'heure, hein, comment les Allemands sont en train de fabriquer des représentations qui alimentent cette guerre. C'est important aussi parce que c'est un texte qui a été distribué en plaquettes par la suite et qui a été détruit par la Gestapo. Donc je pense que c'est un texte qui fait bien apparaître l'idée selon laquelle l'Allemagne d'Hitler n'est pas l'Allemagne, même si c'est sous-jacent. Il ne faut pas confondre les Allemands et les nazis. C'est une image dénaturée de l'Allemagne, finalement, que le nazisme porte et essaye d'imposer. C'est une conviction presque un peu désespérée chez lui, mais qui est essentielle, qui lui permet de tenir debout face à l'Allemagne qu'il a aimée. Exactement, c'est déchirant pour lui, mais en même temps, il y a aussi cet attachement à la France, aux grands hommes, cet attachement à la pensée française, à tout ce qui fait que la France passe à l'époque encore pour une grande puissance, un pays prestigieux, et cet attachement le porte. Dans ce discours, on le sent aussi. Reste la question du style. On revient à une idée de préciosité. C'est Anatole de Monzy, qui était un ministre très spirituel, munichois d'ailleurs, qui l'appelait le Marivaux de la TSF. Je vous cite un autre extrait d'une autre allocution. dont on se demande comment elle a pu être reçue par les combattants de la drôle de guerre. On est en octobre 39. En ce moment, deux armées adverses sont déjà au repos et dorment. Il est bientôt 9 heures. Tous dorment, mais pas dans le même sommeil. L'ange de la mort, qui vole au-dessus des armées étendues, ressent au-dessus de l'une plus d'aise, plus d'assurance, plus de sérénité. Il s'agit bien sûr de la France. Il regrette de ne pas être l'ange de la vie pour favoriser cette armée de soldats au-dessous de laquelle le sol est léger. Mais il est l'ange de la mort et impartial. Écoutez bien la fin. Il s'apprête à choisir ses élus dans les deux camps. Voilà qui n'était pas fait pour rasséréner et pour améliorer le moral. Giraudoux s'exprime finalement dans toutes ses productions, que ce soit les productions vraiment littéraires ou ses discours, donc ses messages du continental, un peu de la même manière. C'est-à-dire, Giraudoux, c'est un style. Et c'est un homme qui a toujours fait appel à la métaphore. Le thème de l'élu est un thème important dans son œuvre également. Alors, on peut en effet sourire, sachant qu'il s'agit en effet de lutter contre Goebbels. Mais en même temps, Claudel, par exemple, a adressé au Commissariat général à l'information un poème encore plus obscur et qui semble encore moins efficace pour lutter contre... Donc c'est peut-être en effet une des difficultés qu'a rencontré Giraudoux. Il fait confiance aux mots, il fait confiance aux images, mais la partie est inégale. Alors il y a un autre domaine, et nous allons clore notre conversation sur Giraudoux, la France et l'Allemagne, un autre domaine où il se peut que Giraudoux ait trop fait confiance aux mots, c'est celui de son attitude à l'égard des immigrés. Un fameux ouvrage qui s'appelle « Plein pouvoir, antérieur à la guerre », qui est un essai, et qui a été à l'origine de divers procès faits à Giraudoux. Il faut que nous explicitions les choses à cet égard. Écoutez cet extrait de cet ouvrage. Ce sont des extraits lus par Denis Manuel dans l'émission Panorama de Jacques Duchâteau sur France Culture le 26 janvier 1991. Après, il faudra que nous regardions cela de près. Pour ma part, je n'ai jamais pu lire sur une pancarte, sur une affiche ou sur la manchette d'un journal ces mots « La France aux Français » sans ressentir un choc désagréable. Cette phrase, « La France aux Français », au lieu de m'enrichir, me dépossède. Et il est vrai aussi que je ne saurais que louer nos dirigeants d'avoir fait de la France un refuge pour nombre de vrais Européens. Poussés par la catastrophe, la panique, l'assassinat, ils s'y sont réfugiés parce qu'elle est l'impasse et le départ. Puisque la Société des Nations n'a pas encore été à même de créer le pays où l'on puisse pour quelque temps se mettre à l'abri de tous les démons du siècle, de la démagogie, de la tyrannie, de la rigueur des préjugés, du relâchement des morales, de la cruauté des castes, et pour les personnalités plus considérables, de la persécution et de la vengeance, je n'ai pas conscience d'abdiquer aucun de mes droits nationaux en admettant que la France soit ce pays. Et l'expulsion de ces exilés me paraîtrait un signe de faiblesse aussi grave que la conservation des autres. Ce sont ces autres qui profite de la confusion inexplicable. Entre chez nous qui veut. Jusqu'à ces derniers mois, l'entrée en France n'était défendue par aucune loi, et elle ne l'est depuis hier que par le libre arbitre de bureaux particulièrement sujets aux influences, pas plus que l'installation en France. L'immigrant débarqué à 11 heures de la gare de l'Est pouvait, à midi, occuper une boutique du boulevard de Sébastopol, et vendre, en commerçant français, ses bagages et ses fourrures. Entre chez nous tous ceux qui ont choisi notre pays, non parce qu'il est la France, mais parce qu'il reste le seul chantier ouvert de spéculation ou d'agitation facile. Sont entrés chez nous par une infiltration dont j'ai essayé en vain de trouver le secret, des centaines de mille Ashkénazis, échappés des ghettos polonais ou roumains, dont ils rejettent les règles spirituelles, mais non le particularisme. Entraînés depuis des siècles à travailler dans les pires conditions, qui éliminent nos compatriotes tout en détruisant leurs usages professionnels et leurs traditions de tous les métiers du petit artisanat, confection, chaussures, fourrures, maroquinerie, et entassés par dizaines dans des chambres, échappent à toute investigation du recensement, du fisc et du travail. Voilà deux textes qui paraissent s'opposer à certains égards, ou en tout cas opposer deux catégories d'immigrés, notamment juifs. Alors, s'opposer pas tout à fait, parce que Giraudoux est partisan d'une immigration choisie, d'une certaine manière. Et je conçois très bien que les mots qu'il prononce dans la deuxième partie du témoignage choquent aujourd'hui. Il n'a pas voulu les occulter. Non, il ne faut pas les occulter. Mais il faut comprendre que pour Giraudoux, le français est un type moral et culturel, un type moral et culturel qui est le produit de l'assimilation d'étrangers. Alors que du côté allemand, on cherche désespérément et absurdement une espèce d'être original. Exactement. On cherche une identité raciale dont Giraudoux explique très clairement qu'elle n'est pas du tout la préoccupation de la France et des Français. La suite montre que Giraudoux va continuer à, par une sorte de résistance intérieure, à combattre à la fois le régime de Vichy et évidemment le nazisme. Oui, il combat le régime de Vichy. Au début, il, comme beaucoup de Français, il est sensible à ce que Pétain peut apporter, en tout cas. Mais il n'a jamais été un zélateur de la Révolution nationale, en quoi que ce soit. Non, c'est une résistance intérieure. Il avait, nous n'en avons pas parlé. Contrairement à son Jean de Pinault, qui est un grand résistant. Oui. Et son fils, Jean-Pierre Giraudoux, qui part pour exactement, la France libre. Exactement, qui part pour l'Angleterre. Non, mais Giraudoux a cherché, nous n'en avons pas parlé aussi, à faire passer ses idées en matière d'urbanisme. Et il s'est rapproché, en effet, parfois du régime de Vichy pour que ses idées puissent trouver une application. Mais il est très clair qu'il n'accepte pas le discours de Pétain qui consiste à dire « la France a perdu parce qu'elle s'est relâchée moralement hein. ». Il rejette le discours de Pétain sur l'esprit de jouissance qui serait la cause du désastre. Il s'en prend très clairement dans son pouvoir aux lois répressives. Son pouvoir, ce sont des textes posthumes. Des textes qu'il a écrits pendant l'occupation. Mais qui sont posthumes, naturellement, exactement, parce qu'il est mort en 1944 et qui renvoient au titre de plein pouvoir d'avant la guerre. Oui, et qui amène à réviser justement peut-être aussi l'image qu'on peut avoir de Giraudoux. Donc il s'en prend à ces lois répressives. Je signale aussi qu'il n'a pas écrit une seule ligne, puisqu'on parle de France et d'Allemagne, il n'a plus écrit une seule ligne sur la réconciliation franco-allemande ou sur la Nouvelle Europe ou le front anti-bolchevique après le désastre. Tout ça sont des thèmes évidemment de la collaboration. Et puis je voudrais aussi, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, ici convoquer le témoignage de Paul Morand, le journal de guerre de Paul Morand paru récemment, hein, donc journal des années 43, de 39 à 43. Qui évoque notamment sa présence dans le cabinet de Pierre Laval. Exactement. Paul Morand explique très clairement qu'il est indigné par le fait que Giraudoux s'est entouré de juifs quand il était responsable du commissariat général à l'information. Il s'indigne de voir qu'un de ses amis, je parle toujours de Paul Morand, a rencontré Nancy Kennard, une romancière, une écrivaine anglaise qui était une militante de la cause noire américaine. Et Morand s'indigne d'apprendre qu'un ami a rencontré cette personne dans la salle d'attente de Giraudoux. Donc, la maîtresse d'Aragon, si je ne me trompe. Voilà, exactement. Hein, donc elle est allée voir Giraudoux. Et surtout, il y a cette... ce fragment du journal où Paul Morand se lamente que Giraudoux, qui adorait l'Allemagne, comme dit Morand, ne soit pas des leurs, ne soit pas avec eux dans la réconciliation franco-allemande. Pour l'Europe nouvelle. Pour l'Europe nouvelle, voilà, c'est ça. Et dans le même temps, il y a des écrits de Giraudoux très, très inquiets sur le destin des Juifs et très indignés par la loi infâme d'octobre 40. Exactement. Qui les exclut de la communauté nationale. Il y a aussi ce petit témoignage quand même, alors là, qui remonte un peu plus loin, donc, puisqu'on parle de Judith, un texte qui a pu être qualifié d'ailleurs d'antisémite. Judith, sa pièce. Sa pièce, Judith, hein, qui a pu être qualifiée d'antisémite. Et nous avons cette variante de Judith, la pièce de Giraudoux, discours que tient Suzanne, que je cite ici. « Je ne sais ce que c'est d'être juif. J'ai toujours vécu dans ma maison sans voir d'étrangers. » Un juif, pour moi, est un homme comme les autres. Il est menuisier, pasteur, médecin. Je ne l'ai vu en rien conjurer contre l'humanité. Il n'a pas de sorcière. Il ne mélange pas de filtres. Je crois connaître les Juifs. Ils ne sont pas avides de métal. Ils n'aiment pas être bavards. Ils ne négocient que quand ils y sont forcés. Tel est ce peuple. Tiens, nous avons donné donc les pièces du dossier. Chacun se fera chacun sur son avis. Opinion. En tout cas, quand meurt Giraudoux, au début de 1944, en janvier 1944, il apparaît un certain nombre de résistants comme étant plutôt des leurs, même s'il n'a pas pris de risque personnel. Je pense à Aragon en particulier, qui a nourri l'idée qu'il avait été peut-être empoisonné par la Gestapo. Il dit c'est une folle hypothèse, mais une juste métaphore. Et qui dit qu'on me pardonne, c'est, je crois, la France que je m'étais mise à aimer en Giraudoux. Oui, alors c'est très mystérieux. Et évidemment, on aimerait en savoir plus. Aragon a laissé entendre, en effet, que Giraudoux avait joué un rôle, avait été une sorte de résistant, un rôle dans la résistance. On n'a pas plus d'informations, mais Aragon, par cet hommage, indique clairement que de quel côté se situe Giraudoux. Je reprends pour finir un mot de Jean-Louis Hésine, qui a très bien commenté Giraudoux, et qui disait, au fond, il meurt empoisonné par son amour de l'Allemagne éternelle, par une guerre qu'il n'a pas comprise, par sa répulsion en face du réel. C'est un peu méchant, parce qu'il l'a affronté quand même, ce réel. Il faut se rendre compte, on n'en a pas parlé du tout, du déchirement qu'a été pour Giraudoux la défaite de la France. Enfin, il a été accablé au point que certains considèrent qu'il en est mort. Hein. Il ne s'est jamais remis. Et le réel l'a affronté avec ses armes. L'Allemagne qu'il avait rêvé, dans sa différence, se disparaissait sous ses yeux. Oui. Merci beaucoup Yves Landeroin d'avoir éclairé ainsi les relations entre Giraudoux, plus vivant qu'on ne le croit, en face de la France et de l'Allemagne, de leur dialogue spécifique. Vous avez publié tout récemment, en 2020, vous avez réédité des essais, articles, récits et témoignages de Giraudoux, d'une guerre à l'autre. Il n'avait pas été repris dans la bibliothèque de la Pléiade. Et puis il y a un magnifique travail qui est collectif, qui est le dictionnaire Giraudoux, paru chez Honoré Champion en 2018, qui est d'une richesse foisonnante. Grand travail d'André Jaume, en effet, qui a rassemblé une grande équipe autour de lui pour aborder tous les points que nous avons abordés et bien d'autres. André Jaume et Sylviane Coyot. Tout à fait. J'y renvoie nos auditeurs qui auront le goût d'aller approfondir tout ça. Hommage au grand biographe de Giraudoux, aujourd'hui nonagénaire, mais que je veux saluer, Jacques Body, qui a publié sa biographie chez Gallimard en 2004. Vous trouverez naturellement une bibliographie complète, elle est beaucoup plus riche que cela, sur notre site, avec les références des documents que nous avons utilisés, les documents sonores. Et vous pourrez, bien sûr, écouter, réécouter et télécharger cette émission. Samedi prochain, nous parlerons avec Gabriel Martinez-Gros des croisades vues d'en face. Généralement, nous l'avons observé, étudié, connu, notamment au lycée et ailleurs, du point de vue occidental. On va renverser la perspective. Je trouve que dans l'actualité qui est la nôtre, ce peut être éclairant. Lundi matin, vous retrouverez à 9h le cours de l'histoire de Xavier Mauduit qui consacrera sa semaine au sujet suivant, « Prendre l'air, une histoire de la montagne par les temps qui courent ». Ce n'est pas une mauvaise idée. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guérou, réalisée par Yaël Mandelbaum, avec Benjamin Thuot à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque et Véronique Jolivet pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Dans quelques instants, Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.